chantent leur mélodie. La brume ou le soleil, à mes yeux, c'est pareil. Ne cherchez pas pourquoi tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris saison, la chanteuse.